n'y a pas de mots pour se dire les choses qu'on sait dans son intérieur véritable, comme on connaît des fables qu'on ne sait pas raconter. Les mots sont des boîtes où l'on met pour les envoyer quelques idées qu'on peut dire, mais ce qu'on peut écrire n'est pas ce qu'on peut penser. Et le long de tous les voyages naissent des images qu'on garde à jamais dans les rêves, car les phrases s'achèvent sans qu'on ait pu les donner. Les mots sont les cartes postales de la pensée, meilleur souvenir de l'immense. C'est à toi que je pense, mais ce n'est que moi qui sais. Des mots, des mots. Des mots, des mots, des mots et des mots, des mots, des mots, des mots, des mots, des mots, des mots et des mots, des mots. Un jour un poète divin, génial écrivain, a trouvé comment tout écrire, mais n'ont pu le relire que de rares initiés. Avec ses quatre dromadaires, Don Juan d'Alfa Robert connut le monde et l'admira. Il fit ce que je voudrais faire si j'avais quatre dromadaires. Avec ses quatre dromadaires, Don Juan d'Alfa Robert connut le monde et l'admira. Il fit ce que je voudrais faire si j'avais quatre dromadaires. Des mots, des mots, des mots, des mots, des mots et des mots, des mots, des mots, des mots, des mots, des mots, des mots, des mots, des mots, des mots, des mots. I'm